بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc la semaine dernière on s'est arrêté avec la bataille de Al-Ahzab, Ghazwat Al-Ahzab ou bien Ghazwat Al-Khandaq, la bataille des coalisés, ou bien elle est appelée aussi cette bataille-là la bataille du fossé. Et on avait cité ici les prémices de cette bataille-là, on avait rappelé les préparations, les préparatifs qui avaient été mis en œuvre par le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, d'accord, ainsi que as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum pour rencontrer l'ennemi, et ceci à l'an 5 de l'Hégire. On avait rappelé aussi que les musulmans, les croyants, al-mu'minoun, ils étaient environ 3000 personnes, et que ici les associateurs qui s'étaient préparés pour les attaquer et rentrer à Médine pour ici attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est que sahaba, ils étaient environ 10 000. Donc ici on voit ici la différence de nombre qu'il y avait. Lakin Allah Azza wa Jal ici a cité cette histoire dans le Coran al-Karim pour nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on utilise les causes, mais que celui qui met les faits dans les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il veut qu'on utilise les causes de la meilleure des façons, et c'est une des grandes morales de cette bataille, comme on va le voir, bi'idnillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala raconte ici cette histoire, Ghazwatul Ahzab fi muhkam al-tanzil, d'accord. Il a bien détaillé cette histoire-là, cette bataille dans Al-Qur'an al-Karim, dans Suratul Ahzab, dans la sourate intitulée Les Coalisés, avec une traduction approximative. Donc ici, après avoir rappelé les prémices la semaine dernière de cette bataille, ici, inshallah ta'ala, on va rentrer directement dans le vif du sujet concernant cette bataille-là. Et la bataille de Al-Ahzab, comme je vous ai dit précédemment, elle a été décrite dans le Coran Al-Karim. C'est pour ça qu'on va laisser Al-Quran Al-Karim ici nous raconter cette bataille-là. Et on avait déjà fait l'explication de ces versets coraniques. Lakin ala kulli hal, ici, il y a un bien toujours dans le fait de répéter ce qu'on avait vu auparavant. Ça sert de révision. D'accord. Et pour ceux qui connaissent déjà, ça leur facilite ici, inshallah ta'ala, de retenir encore mieux, et que ça soit encore mieux gravé dans les cerveaux et principalement dans les cœurs. C'est ce qui nous importe le plus. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette bataille, et on commence ici avec le verset numéro 8. Allah azza wa jal, il parle de cette bataille, et il rentre directement dans le vif du sujet à partir du verset numéro 8. Yaqulu jalla wa ala wa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. Allah Azza wa Jal, il rappelle le début de cette bataille, et il rappelle comment il a secouru les croyants, les gens sincères lors de cette bataille. Car celui qui est venu en aide aux croyants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment Allah azza wa jal est venu en aide aux croyants? On sait très bien qu'Allah azza wa jal veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est. Et al-ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala ont dit, il n'a même pas besoin de dire kun, il n'a même pas besoin de dire soit, mais c'est pour ici que nous, êtres humains, personnes faibles, comprenions ici le sens voulu. Allah azza wa jal, quand il veut quoi que ce soit, il dit soit et c'est. Donc il n'a pas besoin d'utiliser quelconque cause, il n'a pas besoin de faire intervenir un groupe qui fait partie de son armée. Il n'a pas besoin de faire intervenir al-mala'ika. Il n'a pas besoin de faire intervenir le vent. Il n'a pas besoin de faire intervenir n'importe quelle chose concernant le temps. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça que je vous ai dit précédemment que c'est une des morales très importantes de cette bataille, Allah azza wa jal éduque al-insan, éduque les croyants, éduque as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum et l'ensemble de l'humanité, et particulièrement les croyants et les croyantes, il nous éduque quant au fait de quoi? D'utiliser de la meilleure façon al-asbab. Et comme je le dis et je le répète souvent, on sait très bien que dans l'aqidatu ahlus sunnati wal jama'a, aqidatu ahlus sunnati wal jama'a, al-asbab la tanfa' wa la tamna' illa bi musabbib al-asbab subhanahu wa ta'ala. Et on sait très bien que dans notre aqida, dans notre croyance, ici les causes ne profitent en rien et ne peuvent nuire en rien sans la permission bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'Allah azza wa jal ne mette les faits dans les causes. Mais Allah, il veut qu'on utilise les causes. C'est pour ça dans le Sahih, dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salam yaqul, il dit alayhi salatu wassalam, Allah aime, yuhib, Allah azza wa jal il aime. Quel type de personne? Parmi les types de personnes qu'Allah azza wa jal aime, c'est cette catégorie de personnes. Allah aime quand son serviteur accomplit une action, an yutqinah, c'est-à-dire qu'il la fasse de la meilleure façon. Allah azza wa jal aime que son serviteur fasse une action, mais de la meilleure des façons. Allah azza wa jal aime ce type de personne-là. Ce n'est pas, il fait le travail à moitié. D'accord? Que ça concerne umur ad-dunyawiyya ou fi umur ad-din, que ça concerne les choses mondaines, ou que ça concerne les choses religieuses. Allah aime des personnes organisées. Des personnes qui, quand ils commencent un travail, ils vont jusqu'au bout et ils ne baissent pas les bras. Et c'est pour ça que ça nous rappelle ici, ici à travers ce hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, que les causes sont extrêmement importantes. Alors que si ce n'était pas important, est-ce que vous pensez que le prophète A.S. aurait rappelé qu'Allah aime celui qui fait une action, c'est-à-dire qui prend, il utilise les causes, mais qui fait ces causes-là, et qui fait ces actions-là qui font partie des causes bien sûr, mais qui les fait et qui, ici, il essaie de la faire ou de les faire de la meilleure des façons. Est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal, il n'aurait pas pu venir en aide à, ici, aux croyants, lors de cette bataille, simplement en disant, soit essaie, kun fayakun, ici, en détruisant l'armée des coalisés, bien sûr. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé, comme on va le voir, bi'idnillahi Azza wa Jal, un vent? Pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé Al-Malaika? Il aurait pu envoyer que les anges. Non, il a envoyé les anges. Il a envoyé un vent. Pourquoi? Awalan, parce que les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum et à leur tête, alayhi afdalu salati wa askas salam, étaient des gens sincères. Deuxièmement, c'était des gens vertueux. Troisièmement, c'était des gens patients. Quatrièmement, ils ont utilisé les causes selon leurs capacités. Ils ont réfléchi. Ils ont pris l'avis de Salman al-Farisi. D'accord? Le fait de creuser un fossé. Ce qui n'était pas connu à l'époque des Arabes, alors que c'était des personnes qui étaient très réputées quant au fait d'appliquer, ou plutôt ici, de faire les guerres, ou de participer aux guerres, aux expéditions. Mais ils n'avaient jamais entendu ici cette technique, si on veut, entre guillemets. Donc ils ont vraiment utilisé les causes de la meilleure façon jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, ici, il participait quant à quoi? Quant à, au fait de creuser la fosse. Jusqu'à ce qu'on avait vu le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa arda, tellement qu'il a eu mal quand il a vu le prophète alayhi salatu wassalam creuser. Non seulement ils avaient faim, non seulement c'était des périodes où il faisait très froid. Et en plus de cela, il y avait al-khawf, la peur. Il savait que l'ennemi allait arriver. Et ça, al-khawf, comme on va le voir, c'est quelque chose de tabi'i. C'est quelque chose de naturel. Tout être humain, que tu as beau être, ou plutôt tu as beau être le plus grand des savants, tu auras cette peur qui est quelque chose de naturel, car le prophète alayhi salatu wassalam a ressenti la peur. À quel moment il a ressenti la peur, à titre d'exemple? Le moment où il a eu al-wahi, la révélation. Est-ce qu'il n'a pas eu peur quand il a vu Jibril alayhi salam? Est-ce qu'il n'a pas ressenti cette peur? Cette peur quoi? Alors que le prophète doit craindre qu'Allah azza wa jal, d'accord? Alors qu'on sait que l'être humain doit craindre qu'Allah azza wa jal. Walakin, ça c'est une peur, ayyuhal akhyar, qui ne te fait pas tomber dans ash-shirku billahi azza wa jal. Ça ne veut pas dire ta peur d'une personne et d'Allah. Non, c'est une peur naturelle que tout être humain a. Ici, ils ont eu beaucoup d'épreuves pendant les préparatifs. Jabir, il a eu mal. Il a vu le prophète alayhi salatu wassalam ressentir ici cette faim jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait mis une pierre ici contre son ventre tellement qu'il avait faim pendant qu'il était en train de creuser ici le fossé. Et Jabir l'a invité et on avait cité le hadith la semaine dernière. Pour nous rappeler que même le prophète a participé. A participé aux préparatifs. Il n'est pas resté tranquille. Et il a dit, vous êtes mes travailleurs, vous êtes mes khaddam, vous êtes mes esclaves ou mes serviteurs, travaillez, moi je reste derrière en sécurité ou je prends la fuite. Dans le prophète A.S.M., il était toujours, dans l'ordre des expéditions, il était toujours au premier rang. Le prophète A.S.M., il était toujours là pour être au service. Lui-même, il était au service de qui? As-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Après ça, est-ce qu'on va dire qu'ils n'ont pas fait les causes? Ils n'ont pas utilisé les causes de la meilleure des façons? Alors que le prophète lui-même, ici, il a creusé, il avait très froid, il avait très faim, et même lui, il a ressenti, ayyuhal akhyar, ces sentiments de faiblesse, comme on ressentit as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, car c'est un être humain, alayhi salatu wassalam. Mais quand tu utilises toutes les causes selon tes capacités, toutes les causes qui relèvent du monde, yani de dunya, ou des affaires mondaines, sache que si tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, attends-toi à recevoir les causes. Les causes de quoi? Les causes qui viennent du ciel. Les causes qui ont été envoyées ou qui sont envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme eux, cette situation-là, et c'est pour ça que rahimahumullah, al-ulama, nous rappelle que toute personne qui utilise toutes les causes mondaines et qui place sa confiance en Allah azza wa jal comme il se doit, il se peut qu'Allah azza wa jal descende des causes venant du ciel. Et ici, Allah azza wa jal les a secourus à l'aide de quoi? Les a secourus à travers al-rih, le vent. Et à travers Al-Malaika. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhal ladhina amanu. Il s'adresse à qui? Les croyants. Al-Nida. Ça, c'est un appel à qui? Les croyants. Ya ayyuhal ladhina amanu. Udhkuru ni'matallahi alaykum. Idh ja'atkum junoodun. Fa arsalna alayhim rihan wa junoodan lam tarawha. Wa kana Allahu bima ta'amaluna basira. Allah Azza wa Jalla dit, vous qui avez cru. Ou vous qui croyez. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Allah Azza wa Jalla parle d'un vent. Allah a envoyé un vent violent, très violent, qui a chassé les troupes ennemies qui voulaient s'infiltrer, qui voulaient rentrer dans Médine et pénétrer dans Médine. Allah Azza wa Jalla a envoyé un vent violent. Avec cela, Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Il a envoyé al-malaïka, des anges que vous ne voyez pas. Ça c'est la preuve que quoi? De façon générale, est-ce que nous on voit les anges? On ne voit pas les anges. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim? وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا الْمَلَائِكَ. C'est une armée, et Allah il parle de qui? Al-Malaïka, les anges, لَمْ تَرَوْهَا, que vous ne voyez pas. Et on sait que, de façon générale, al-insan, لَا يَرَى الْمَلَائِكَ. Il ne voit pas les anges. Il ne voit pas al-Malaïka, les anges. Mais, il y a des exceptions. Exceptions où l'être humain peut voir des anges. Sous quelle apparence? Par exemple, sous l'apparence d'un être humain. Et al-malaïka, les anges, ils peuvent prendre l'apparence d'un insan, d'un être humain. À titre d'exemple, il y a le hadith très connu, sahih, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a eu contact, a eu cette rencontre avec Jibril, alayhi salam, qui est venu rencontrer sous la forme, à fois d'une personne humaine. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a posé différentes questions, vous connaissez le nom hadith. Est-ce que le prophète lui-même l'a vu? Il y avait sahaba. Les compagnons l'ont vu aussi. Donc on dit que le prophète a vu un ange sous la forme d'un être humain, ainsi que les compagnons ont vu un ange sous la forme d'un être humain. C'est pour ça que les ulama ils disent il y a des exceptions où al-insan il peut voir un ange sous la forme d'un être humain. Le prophète l'a vu, ce n'est pas une spécificité au prophète al-insan car as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum l'ont vu, mais de façon générale al-insan il ne voit pas al-malaika. À titre d'exemple, on sait qu'il y a des anges avec nous. N'importe quel moment de la journée, de jour comme de nuit, il y a des anges qui écrivent toutes vos actions, tous nos faits, tous nos gestes. Ils écrivent tout, d'accord? Donc ces anges-là, est-ce qu'on peut les voir? On ne peut pas les voir. Dans les mosquées, film massage, il y a al-malaïka, d'accord? Les djinns, ils sont présents partout. Il y a des djinns musulmans qui peuvent être présents même dans les mosquées. Al-malaïka ou al-djinn, est-ce qu'on peut les voir? De façon générale, on ne peut pas les voir, sauf exception, à partir du moment où ils prennent l'apparence, exemple, à titre d'exemple d'un être humain. Allah Azza wa Jalla les a secourus ici à travers ce vent et à travers al-malaïka. À travers le vent et à travers al-malaïka pour nous éduquer que quoi? Tout être humain, si Allah a utilisé les causes alors qu'il n'a pas besoin de causes, c'est pourquoi? Si Allah Azza wa Jalla a créé les cieux en combien de jours? En 6 jours. Mais pourquoi? Pourquoi il a créé les cieux et la terre en 6 jours? C'est-à-dire en 6 étapes. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, il veut quoi que ce soit, il dit qu'on fait pour nous habituer, nous éduquer, nous rappeler que les choses doivent se faire par étapes. Pour nous habituer, nous éduquer et nous rappeler que quoi? Qu'on se doit d'utiliser les causes. C'est une éducation pour l'insan. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut quand il veut. Walakin, il nous éduque. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الحناجر وتظنون بالله الظنون. Allah Azza wa Jal, ça il parle de la situation. Allah les a secourus. Il les a secourus. Il commence en disant, rappelez-vous mon bienfait sur vous. Je vous ai secourus. À travers quoi? Le vent qui les a chassés, un vent violent. Al-Malaika, ils étaient présents, mais vous ne les voyez pas. Allah vous a secourus. Donc, soyez reconnaissants. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Allah Azza wa Jal nous rappelle d'être reconnaissant quant à ses bienfaits. Et souvenez-vous de moi et ne m'oubliez pas. وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ. Et soyez reconnaissant, ne soyez pas ingrat. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala te comble d'un bienfait, sois reconnaissant envers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme si une personne se montre reconnaissant envers toi, agit en bien avec toi, soit reconnaissant envers lui. Ça c'est une qa'ida ayyuha al-akhyar, tirée de quoi? Du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète n'a-t-il pas dit مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ. Celui qui n'a pas été reconnaissant envers les gens, il n'a pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith sahih, comme a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et d'autres d'Ahl al-Ilm. Pourquoi? Car celui qui t'a comblé d'un bienfait, c'est qui l'a mis à ta disposition? C'est qui te l'a sakhar? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a comblé d'un bienfait, indirectement, tu n'es pas reconnaissant envers qui? Celui qui t'a envoyé cette personne pour te combler de ce bienfait, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le prophète a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et Allah, il dit dans le Coran al-Karim d'être reconnaissant, il nous l'ordonne, d'être reconnaissant directement envers lui, washkuru li wa la takfurun. Soyez reconnaissant envers moi, et ne soyez pas ingrats. Et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, anwa', il y a plusieurs façons d'être reconnaissant envers Allah azza wa jalla, avec la langue et avec les gestes. Avec la langue et avec le comportement. Fa amma bi ni'mati rabbika fa fahaddith. Concernant les bienfaits d'Allah azza wa jalla, proclame-les. Allah dit dans le Coran. Ça veut dire que quand tu as des bienfaits, ça, il n'y a pas de mal de les dire. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla m'a donné la santé. Alhamdulillah, j'ai de l'argent. Alhamdulillah, c'est Allah qui me l'a donné. J'ai de la nourriture, c'est Allah qui me l'a donné. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Allah il te l'ordonne. Amma à travers le comportement, wa'amalu ala Daoud a shukra. Allah azza wa jalla, il parle à qui? À la famille de Daoud. Et agissez, ô vous, famille de Daoud, à titre de reconnaissance. Donc ici, il a dit quoi? Il a parlé de quoi? Al-amal, l'action. D'accord? Et œuvrer. Donc ici, la reconnaissance se fait à travers l'action. C'est pas simplement avec la bouche. D'accord? Et c'est pour ça que l'ulama, rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, est parmi eux des contemporains qui ont rappelé que quoi? Que le fait d'être reconnaissant ou de remercier Allah Azza wa Jal qu'avec la bouche, ça s'appelle Alhamd, la louange. Alhamdulillah. Amma le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala avec, à travers l'action, ça s'appelle Ash-Shukr. C'est ça, Ash-Shukr. Washkuruli wa la takfurun. Soyez reconnaissant envers moi et ne soyez pas ingrat. À titre d'exemple, Allah t'a donné de l'argent, comment tu es reconnaissant envers Allah Azza wa Jal? Avec la langue, Alhamd. Alhamdulillah, alladhi manna alayya bi bil mal. Hada huwa Alhamd. Amma Ash-Shukr, انفق في سبيل الله عز وجل فهمتم هذا هو الفرق. Donc ça c'est la différence, c'est-à-dire la reconnaissance, tu prends cet argent, tu le dépenses dans le sentier d'Allah azza wa jalla. C'est-à-dire que tu reconnais ou tu es reconnaissant envers ton Seigneur à travers les actions. Pareil, tu as de la nourriture, tu remercies Allah, alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. D'accord? Ça c'est l'invocation que tu dis quand tu as fini de manger. Si tu es invité chez quelqu'un, Allahumma at'imana at'amana wa saqina saqana, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ça c'est l'invocation que tu fais parmi les invocations quand tu es invité chez une personne. Ça c'est le hamd. Ash-shukr, cette nourriture-là, tu invites des gens chez toi. Ah, ça c'est ash-shukr, la reconnaissance. D'accord? Allah Azza wa Jal, il ordonne aux compagnons d'être reconnaissants envers leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Concernant ce bienfait, quel bienfait? Allah les a secourus. Et Allah Azza wa Jal, il rappelle cette situation. Il dit, إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. C'est-à-dire, ils sont venus de partout. Al-Ahzab, les coalisés. Du nord, du sud, de partout, ils sont venus. Ils les ont encerclés. Razwatul Ahzab. Ils ont fait les causes. La fossée est là. La tranchée est faite. L'idée de Salman al-Farisi, qui était arabe. Il n'était pas arabe. Walakin kama qala subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallah, atqakum. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est qui? C'est les arabes. Atqakum, les plus pieux. Arabes, juifs, je ne sais qui. À partir du moment où tu es musulman, converti à l'islam, d'accord, même si tu étais à la base un bouddhiste ou je ne sais, tu es au jour d'aujourd'hui un musulman, ta religion c'est l'islam, les plus nobles auprès d'Allah Azza wa Jal, ce ne sont pas les Arabes, ce sont les plus pieux. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et approvisionnez-vous, et certes la meilleure des provisions c'est quoi? C'est quoi la nationalité, la carte d'identité? C'est quoi? التَّقْوَى, la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont encerclés. Tellement qu'ils les ont encerclés, regardez Allah Azza wa Jal comment il décrit leur comportement. Ça c'est sahaba, ça c'est les compagnons. خَيْرُ النَّاسِ. Mais regardez comment il a décrit leur comportement, leur situation. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Ils ont tous eu peur. Mais il y a des différents degrés de peur. Il y a des gens qui ont peur. الخوف الطبيعي. D'accord? La peur naturelle. Les compagnons, ils ont eu cette peur-là. Le prophète, عليه الصلاة والسلام, il a déjà eu cette peur naturelle. Mais il y a un type de peur, d'accord, qui ici dévoile tes mauvaises intentions. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les bienfaits et parmi les sagesses de l'épreuve al-ibtila, c'est Allah azza wa jal, ou c'est qu'Allah azza wa jal, il fait ce qu'on appelle at-tamyiz, la distinction entre quoi? As-sadiq, le véridique, et le al-kadhib, le menteur. Allah azza wa jal, il distingue, d'accord, entre le véridique et le menteur, comme Allah azza wa jal le dit dans le Coran al-Karim, dans plusieurs sourates. Et il nous rappelle que quoi? Parmi les causes des épreuves, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il voit les véridiques et les menteurs. Il distingue entre les véridiques et les menteurs. Et là, on a vu les menteurs à travers cette épreuve. Tellement que l'épreuve était dure. Les hypocrites, est-ce que vous pensez qu'ils vont être scandalisés dans ces situations-là ou pas? Ils vont pas tenir, ils vont pas supporter. Alors qu'ils savent qu'ils sont encerclés. Ils savent qu'ils risquent de mourir. Est-ce que vous croyez que dans ces situations-là, Allah Azza wa Jal va pas dévoiler leur mauvaise intention? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il disait quoi? Et ça on avait déjà vu ici fi bidayati sirah, dans le début de la biographie du prophète alayhi salam. Il a dit, l'hypocrisie est apparue clairement à l'époque mécoise ou à l'époque médinoise. On avait dit à l'époque médinoise. Pourquoi? Parce qu'à l'époque mécoise, fi bidayatil islam, quand ça a commencé l'islam, ils étaient à la Mecque. Ils étaient tous torturés. Ils étaient tous persécutés. Donc à quoi ça servait que tu dises exprès « Ana muslim, moi je suis musulman ». Si tu disais musulman, t'étais torturé. T'avais rien à gagner. Donc là, il n'y avait pas ce phénomène d'hypocrisie qui était apparente. Mais quand ils ont été à Médine, ba'd al-hijra, donc ici, al-ghalib, la majorité des gens, ils étaient quoi? Ils étaient musulmans. C'est eux qui avaient pris le contrôle. Donc est-ce qu'il y avait un intérêt de dire « je suis musulman » ? Plein d'intérêts. Que ça soit économique, que ça soit social, que ça soit ce que tu veux, il y avait plein d'intérêts d'être musulman. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hypocrites sont apparus. Parce qu'à partir du moment où tu disais que tu étais musulman, là, t'étais sous la protection du prophète, alayhi salatu wassalam, t'étais régi sous des Pâques, et si tu pouvais recevoir le butin, si le butin qui était gagné pendant les guerres, tu pouvais... Yani, t'avais beaucoup d'intérêt ici d'être musulman de façon apparente. Donc ici, les hypocrites sont apparus. Et ça, ça nous rappelle qu'à toutes les époques, à partir du moment où il n'y a pas de fitaine, où tout va bien, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, c'est à ce moment-là où vont apparaître le plus les hypocrites. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à être musulman. Mais quand il y a beaucoup de fitnes, de troubles, de persécutions, etc., tu verras peu d'hypocrites. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'être musulman. Dès que tu dis de façon apparente je suis musulman, tu te fais persécuter. Et on sait que al-munafiq huwa alladhi yudhahir al-islam dhahiran laysa batinan. C'est celui qui montre de façon apparente, extérieure, l'islam. Mais pas intérieurement. Intérieurement, il est contre l'islam. Mais extérieurement, oui. Donc ça veut dire que si tu vois que les gens se font persécuter, quel est ton intérêt si tu es un hypocrite de montrer ton islam de façon extérieure? Tu n'as pas d'intérêt. C'est pour ça que l'hypocrite ici, il a peu d'intérêt d'être musulman. Mais quand tout va bien et même tu as des intérêts à être musulman de façon apparente, tu ne vois plus rien. Tu vois une personne qui prie avec toi, peut-être que c'est un grand hypocrite. Mais il a son intérêt. Il vient à la mosquée pour de l'argent, pour se marier avec une femme, pour ceci, pour cela. Il a son intérêt. D'accord? Et ici, Allah Azza wa Jalla rappelle le comportement de qui? Al-Munafiqin. Les hypocrites. Et ceux qui leur ressemblent. Ceux qui leur ressemblent. Naam, il y a les hypocrites et il y a ceux qui ressemblent aux hypocrites. D'accord? Si quelqu'un a le comportement d'un hypocrite, est-ce qu'on a le droit de dire celui-là ressemble aux hypocrites? Je parle de quoi? La grande hypocrisie, al-kufr al-akbar, wal-iyadu billah, man waqa'a fi dhalika kharaja min al-millah bi-ittifaq al-ulama. Celui qui tombe dans la grande hypocrisie, il sort de l'islam. Est-ce que toi, tu as le droit de dire un musulman, d'accord? Ou bien de façon générale, umuman, de façon générale, tu dis, il y a des musulmans qui ressemblent aux hypocrites. C'est autorisé ou pas? Naam. Ayatul munafiq, thalath. Prophète alayhi salam l'a dit, fait sahih. Il y a deux versions. En tout, il y a cinq critères. Trois critères dans, dans cette version. Prophète alayhi salam l'a dit, ayatul munafiq, thalath. Les critères de l'hypocrite sont de trois. D'accord? Sont de trois. Et dans une version, il y a deux de plus. Le prophète Assoum, il a dit, celui qui les a tous, il est un hypocrite pur. Un pur hypocrite. À la kulli hal, il y a des critères d'hypocrite. Et dans ce hadith, le prophète Assoum, il a dit, Iza, Iza haddatha kazab. Wa iza wa'ada akhlaf wa iza atu mina khan. Si, quand il parle, il ment. Quand il s'engage ou il promet, il trahit son engagement. Et quand il, quand on lui confie quelque chose, il trahit. Quand on lui confie un dépôt, une amana, il trahit. Khan. Al-khiyana wal-iyadu billah, la trahison. Donc on voit que ça c'est des critères. Si quelqu'un il a, quand il parle il ment. Mathalan. Et dans l'autre version, quand il s'énerve, il fajar. Donc ici, quand il radara fajar, quand il parle ou il s'énerve plutôt, il tombe dans la débauche, dans les insultes, il s'énerve, il perd tout contrôle de lui-même. Donc si à la kulli hal, tu as un critère de l'hypocrite, est-ce que toi tu as droit de dire, allez, pour blesser personne, est-ce que toi tu as droit de te dire à toi-même, toi tu ressembles à un hypocrite? Naam, dis-toi, tu ressembles à un hypocrite, ya akhi al-karim. Dis-toi, toi, à toi-même, tu ressembles à un hypocrite. Kama qala shaykh, rahimahullah ta'ala, ibn Salih al-Uthaymin. Et il dit, on peut donner la ressemblance, il n'y a pas de mal. Bien que celui-là reste un croyant, il reste musulman, mais il ressemble. Allah, il parle de quoi dans cette sourate? Il parle de quoi? Al-munafiqin. Il parle des hypocrites. Il parle de alladhina fi qulubihim marad. Ceux qui ont des maladies dans leur cœur. Il y a parmi eux, bien sûr, les hypocrites. Il y a parmi eux ceux qui sont entre quoi? La croyance et l'hypocrisie. D'accord? La croyance et l'hypocrisie. Et il y a les croyants. D'accord? Et il y a les croyants. Donc ici, il parle de ceux qui ont, ici, les maladies dans leur cœur, à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim. Et souvent, ceux qui ont des maladies, beaucoup de maladies dans leur cœur, bien qu'ils font partie des croyants, ils ressemblent à qui? Aux hypocrites, wal-iyadu billah. Ils sont sur le chemin d'accord, sur le chemin, sur la voie des hypocrites, wa al-iyadu billah. Wa yaqulu jalla wa ala innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas ou le plus profond de quoi? De l'enfer, wa al-iyadu billah. Al-munafiqin, innal munafiqina fi ad-dark al-asfali. في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل il rappelle إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم de toute part. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie dans le cœur et ceux qui ont, ou plutôt avant, d'accord, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toute part, et que les regards étaient troublés, d'accord, et les cœurs remontaient aux gorges, vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, tellement qu'ils avaient peur. Les regards furent troublés, d'accord. Et ici, les cœurs sont remontés jusqu'aux gorges. Certains savants, ils disent, c'est vraiment ça, le cœur il remonte jusqu'à la gorge. Et c'est-à-dire que ici, le cœur, tellement qu'il a, il est choqué par cette forte émotion, qu'il devient, yani, qu'il empêche même quelquefois la respiration. La personne, elle commence à suffoquer, elle a du mal à respirer, d'accord. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Elle arrive jusqu'aux gorges. Pour montrer, rappeler la forte émotion qu'ils ont ici, la forte peur qu'ils ont ici. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tellement qu'ils ont été choqués, traumatisés, la peur, al-khawf, ils voyaient la mort, ils avaient rendez-vous avec la mort, ils voyaient les coalisés ici venir de toutes parts. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ. Vous avez toutes sortes de suggestions, d'accord, d'opinions, c'est-à-dire de mauvaises opinions sur Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et ça, on voit souvent des gens qui, quand ils ont des épreuves, même parmi les croyants, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ, ils commencent à avoir quoi ? حُسْنُ بِاللَّهِ حُسْنُ ظَنْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَبَدًا العكس. Est-ce qu'ils ont la bonne opinion? Non, la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi Allah il m'a donné des épreuves? Pourquoi moi, toujours moi? On dirait qu'Allah Azza wa Jal il me veut du mal. Oh, chez les musulmans on entend ça. Jusqu'à ce qu'il y a des gens, ils tombent dans quoi? Ash-shakwa billah ou min Allah Azza wa Jal. Ash-shakwa ila Allah ou shakwa min Allah. Ash-shakwa min Allah Azza wa Jal wal iyadu billah. Il y a des gens, ils tombent ici dans ce qu'on appelle la plainte. Ash-shakwa, ils se plaint pas à Allah mais d'Allah. À cause de quoi? Tellement qu'il supporte plus quoi les épreuves. Tellement qu'il est dans une situation de peur. Il n'en peut plus. Il voit toutes les portes se fermer. À ce moment-là, tu vois les vrais croyants. Et tu vois les hypocrites. Ou bien ceux qui ont des maladies dans leur cœur et qui ressemblent aux hypocrites. Les vrais croyants à ce moment-là, comment ils réagissent? Comme on va le voir à la fin de la bataille, Allah Azza wa Jal, il parle d'eux, ici dans le Coran al-Karim. Et je passe directement à la dernier verset. Ou parmi les derniers versets de cette bataille, je reviens. Donc ici, ils ont vu les portes se fermer. Al-Munafiqin, qu'est-ce qu'ils disent? وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ. Ça y est, ils voient tout se fermer. Donc ils ont des mauvaises opinions d'Allah Azza wa Jal, ils étaient en panique. Amma les croyants, وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٍ. Allah, il parle des hypocrites et il parle des croyants. Ça, c'est les hypocrites, al-munafiqin, wal-ladina fi qulubihim marad, ceux qui ont des maladies dans leur cœur. Quand eux, les croyants, les vertueux, as-sahaba, ils ont vu les coalisés. Regardez ici la différence claire. Allah, il parle de eux. Wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa. Amma les autres, walamma ra al-mu'minuna al-ahzab. Et quand ici les croyants, Allah Azza wa Jalla, il parle, il les interpelle en leur faisant éloge, les croyants. Tandis que les autres, ils parlent, ils disent quoi? Al-munafiqin ou bien walladina fi qulubihim marad. Ceux qui ont des maladies dans leur cœur ou les hypocrites. Regardez comment Allah Azza wa Jalla les interpelle. Et Allah, quand il parle des compagnons, des véridiques, il dit les croyants. Walamma ra al-mu'minuna al-ahzab. Quand ils ont vu les coalisés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En effet, ou quand les croyants verront les coalisés, ils disent, voilà ce que Allah et son messager nous avaient promis. Allah et son messager disent la vérité et cela ne fait qu'accroître leur foi et leur soumission. Comment ça? Comment ça, c'est ce que Allah Azza wa Jal et le messager leur avaient promis? Pourquoi ils disent ça? Car le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, inna an-nasra ma'a sabr. Et car Allah Azza wa Jal, il dit, am hasibtum an tadkhulu al-jannah وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. La réponse, أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Car ils savent qu'à travers le Coran, le Karim et la Sunna, Allah et le messager, alayhi salatu wassalam, ont rappelé que quoi? Un nasr. Le secours vient après quoi? La patience, c'est quand toutes les portes se ferment. Donc c'est pour ça, ils ont vu toutes les portes se fermer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Parce qu'ils avaient, ils savaient, les portes sont fermées, ils ont dit donc maintenant, regardez, ils ont vécu avec le Coran, ils ont vécu avec la Sunna, ils se sont dit donc logiquement c'est quoi? C'est que le secours il est proche. C'est ça qu'Allah et le prophète nous ont promis, c'est-à-dire quand les portes se ferment, le secours arrive. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال. وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. Alors peut-être il y a qui? Les compagnons. Parmi les croyants, il y a des hommes comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim. Et alors peut-être il y a qui? الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. Non seulement ils ont été fermes, d'accord? Ils sont restés fermes. Ils sont restés fermes quant à leur conviction. Ils sont restés fermes quant à quoi? Quant à leur amour envers Allah et son messager. Mais en plus il dit quoi? وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Pourquoi il cite les deux choses? Et ceci n'a fait qu'accroître leur foi et leur soumission. Allah Azza wa Jalla rappelle qu'ils n'ont rien à voir avec les hypocrites. Parce qu'avant, on parle de qui? Les hypocrites. Et on a dit que l'hypocrite est le munafiq, c'est celui qui monte de façon apparente. C'est-à-dire, il monte son appartenance à l'islam, sa soumission à l'islam de façon apparente. C'est ça l'islam. Al-Muslim, c'est celui qui montre de façon apparente, ici, son appartenance à l'islam. Amma al-mu'min, on sait que c'est celui qui fait montrer ou qui montre son appartenance à l'islam de façon apparente et cachée. D'accord? Donc ici, Allah Azza wa Jalla dit non seulement la croyance, leur iman, n'a fait que augmenter, mais aussi leur soumission, les deux. Pour dire, c'est pas des hypocrites. Car l'hypocrite, il y a sa soumission. Mais il n'y a pas son iman. Il n'y a pas d'iman, il n'y a que la soumission. Mais eux, ils disent, وَمَا زَادَهُمْ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Pour rappeler qu'ils n'ont rien à voir avec quoi? Avec les hypocrites. Allah Azza wa Jalla, il parlait de eux. Il parlait de ce groupe de personnes qui font partie des hypocrites et des gens qui ont des maladies dans leur cœur. Ils ont paniqué. Ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient en panique. Et ils ont eu de mauvais préjugés envers Allah Azza wa Jalla. هُنَالِكَ بَتُولِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Allah Azza wa Jalla dit هُنَالِكَ. Yani pendant al-ma'raka, pendant la bataille, les croyants ont été secoués d'une violente secousse. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Allah il rappelle qu'ils ont reçu une grande épreuve. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, comme j'avais cité précédemment, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضر وزلزلوا وزلزلوا. Regardez Allah quand il parle des épreuves des croyants, des compagnons, il utilise le terme الزلزال وزلزلوا. C'est pas le tremblement de la terre, mais le tremblement des âmes et des cœurs, comme ils disaient les ulama, rahimahumullah. C'est-à-dire, Allah, il a fait quoi? Il a fait que l'épreuve est tellement difficile et tellement dure que leur cœur a tremblé, que leur âme a tremblé. Ils ont tremblé, ayol akhyar. Et il utilise le terme az-zalzal, le tremblement qu'on utilise quand on parle d'un tremblement de terre, ayol ahbab, pour nous rappeler ici les fortes épreuves qu'ils ont eues. Les fortes épreuves qu'ils ont eues, Allah, il dit, pensez-vous rentrer au paradis? أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Mais vous n'avez pas encore reçu des épreuves comparables à ceux qui vous ont précédé. مستهم البأساء والضراء والزلزلوا. La peur, la famine, etc. Beaucoup d'épreuves les a touchés. Ils furent secoués jusqu'à ce qu'ils ont dit. حتى قالوا أو حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Ainsi que les compagnons, c'est-à-dire et le prophète, ont dit متى نصر الله. Quand viendra le secours d'Allah? Ils n'en pouvaient plus. Et là, la réponse vient d'Allah. Ala inna nasr Allah qarib. Quoi? Le secours d'Allah, il est proche. Et ça, on apprend, ayyuhal ahbab, à travers cette bataille, à travers les versets, à travers la sunna, que quoi? Inna nasr ma'a sabr. Le secours ne vient qu'avec la patience. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, azza wa jal, il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc, n'aie pas peur. Même si tu as une grosse, j'en peux plus, il n'y a pas, t'en peux plus, je veux me suicider. Non, Allah, il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Plus tu patientes, et plus tu es sûr que le secours va venir. Inna nasra ma'a sabr. Hunalika batuliya al-mu'minun, wa zulzilu zilzalan shadida, wa idh yaqulu al-munafiqun. À ce moment-là, ça y est, khlas. Tu vois les hypocrites, ceux qui ont les maladies dans leur cœur. C'est quand? C'est quand il y a des épreuves, ya akhi. Quand tout va bien. Wallahi, tu peux être avec une personne. Tu peux être avec une personne pendant 50 ans, pendant 40 ans, à côté de lui. Tu crois que c'est une personne, masha'Allah, tu as confiance en lui, tu as... Mais quand tu vas voir vraiment que cette personne vit une grosse épreuve, ou alors tu vas vivre toi une grosse épreuve, c'est vraiment là où tu vas voir si c'est vraiment une personne sur qui tu peux compter. C'est vrai ou pas? C'est quand nous, il nous arrive par exemple des épreuves, et on a besoin de compter sur des gens, et là tu vois les personnes qui tu pensais qui étaient proches de toi, ils sont plus là. C'est à ce moment-là que tu vois qu'Allah Azza wa Jalla montre vraiment la vraie face des gens. La vraie face des gens, est-ce que c'est vraiment une personne sincère ou pas? Mais c'est à travers quoi? À travers les épreuves, c'est un bien. Parmi le bien et les hikam, ou plutôt les sagesses des épreuves, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il dévoile les intentions. À ce moment-là, pendant qu'il y a eu ici cette forte épreuve, Allah Azza wa Jalla, il rappelle que quoi? Al-munafiqun. Les hypocrites sont intervenus. Wallazina fi qulubihim marad. Et ceux qui ont des maladies dans leur cœur, c'est ikhlas. Allah les a scandalisés et on voit leur intention. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Après, wa idh yaqulu al-munafiqun wallazina, Allah il sait pas, wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura wal 'iyad billah. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie dans leur cœur disaient Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Regardez, ça, ils commencent à lancer des accusations contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur disent, regardez, les hypocrites, ils voient, khlas, pourquoi ils utilisent ce moment-là? Parce qu'ils voient que tout le monde est dans quoi? Al-khawf. Al-khawf, tabi'i, shay'un tabi'i, on a dit quelque chose de naturel. Mais les hypocrites, tellement qu'ils avaient peur, wa balaghatil qulubul hanajir. Et ils ont eu ici leur cœur qui a été jusqu'à leur gorge. Certains, ils disent que c'est une sorte de métaphore pour rappeler qu'ils avaient une peur vraiment poussée à l'excès. Ils étaient traumatisés, si on veut. Et donc, ici, à ce moment-là, les hypocrites, ils leur disent, mais regardez, Allah Azza wa Jalla, le prophète, ils vous ont promis que tromperie. Ils essaient de quoi? Détourner les gens. Et Allah Azza wa Jalla, wasafa ha'ula fi kitabihi al-aziz, lamma qal, alladhina yasudduna an sabilillah. Ou, lamma qal, walladhina sa'u fi ayatina. On avait vu ce verset coranique, na'am, surat Saba. Surat Saba, Allah Azza wa Jalla, ils disent, walladhina sa'u. Fi ayatina, ceux qui quoi? C'est ceux qui obstruent le sentier d'Allah. Ils détournent les gens des quoi? Des signes d'Allah. Certains exégètes ont dit c'est les versets coraniques. D'autres, ils ont dit c'est am, c'est général. Comme Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit c'est tout ce qui concerne la religion. Alladhina yasudduna an sabilillah. Quand ici, ils voient qu'il y a des épreuves là, à ce moment-là, ils voient qu'il n'y a plus rien à gagner. Même ils sont peut-être proches de la mort. Donc là, ils essaient de détourner tout le monde du sentier d'Allah Azza wa Jalla. Et toute personne qui détourne les gens, les croyants, des gens de bien, ou du sentier d'Allah Azza wa Jal, même s'il est croyant, même s'il s'appelle Mohammed, même s'il fait la prière, même s'il est sincère dans sa ibadah, même si c'est pas un grand hypocrite, le moins qu'on puisse dire c'est que quoi? Il ressemble à qui? Il ressemble à qui? Vous avez pas compris ou quoi? Il ressemble aux hypocrites. Subhanallah, il ressemble à qui? Il ressemble aux hypocrites. Ici Allah dit, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ. Un groupe parmi eux. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Yathrib c'est vous gens de Médine, Yathrib. Certains ulama parmi eux, Cheikh Al-Uthaymeen, disent que ça c'est détestable. Makruh de l'appeler Yathrib, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, hum yaquluna Yathrib wa nahnu naqulu al-Madina. Eux ils disent Yathrib, c'est-à-dire al-Munafiq. Ici les hypocrites ils disent Yathrib et nous on l'appelle al-Madina. Le mieux c'est de dire al-Madina. ويقولون ici les gens, c'est-à-dire ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils disaient? وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثريب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم. Ça c'est un autre groupe. Regardez, il y a le premier groupe avec une traduction approximative. Ils disent aux gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Regardez, retournez chez vous, vous êtes mieux chez vous. Retournez chez vous. Et un autre groupe, on a dit il y a les hypocrites. Et ensuite, en dessous, il y a quoi? والذين في قلوبهم marad. Ils sont ici toujours dans le doute. Wal'iyadu billah. Ils n'ont pas ici, ils sont pas fermes. Ils n'ont pas ce raffermissement. Ils n'ont pas al-ilm qui va les éloigner de chaque le doute et qui va les rapprocher de al-yaqin billahi azza wa jalla, la certitude en Allah. Ils sont toujours, dans le doute. Je sais pas, peut-être, je crois qu'il a raison, mais peut-être il a pas raison. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc Allah azza wa jalla dit, il y a un groupe, il a dit, ya ahla Yathrib. Donc revenez chez vous, revenez, ça c'est clair, les hypocrites. Il y a un autre groupe, Allah Azza wa Jalla parle d'eux aussi, il dit وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ. Un autre groupe. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Il y a un autre groupe, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la permission au prophète عليه الصلاة والسلام. Ils ont quand même demandé la permission au prophète عليه الصلاة والسلام. وَلَكِنْ c'est qui? C'est ceux qui ont des maladies dans leur cœur. Et parmi eux, il y avait même peut-être des hypocrites. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils demandent quand même la permission au prophète. Donc ici c'est un degré inférieur que les autres. Parce que les autres, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation? Ils n'ont pas demandé, ils ont dit tout de suite rentrez chez vous. Amma les autres, l'autre groupe, Ils ont demandé la permission au prophète, ils ont dit, est-ce qu'on peut rentrer chez nous? Mais comment on sait qu'ils ont des maladies dans leur cœur? Un, parce qu'ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Et tourner le dos lors du combat, comme le prophète il a dit, c'est quoi? Ça fait partie de Al-Kaba'ir wal-Iyadu Billah. Première chose, ils tournent le dos. Deuxième des choses, il y a quoi? Ils ont dit, est-ce qu'on peut rentrer chez nous? Ici, avec une traduction approximative, nos demeures sont sans awra, c'est-à-dire sont vides, sont sans protection. Pourquoi c'est des hypocrites? Pourquoi c'est, ils sont sur le chemin de l'hypocrisie, c'est le moins qu'on puisse dire? Parce qu'ils ont menti. C'était du mensonge. Pourquoi Allah Azza wa Jalla montre que c'était des menteurs? Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit quoi ensuite? In yuriduna illa firara. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que prendre la fuite. Ils disent, mais ya Rasulallah, on peut rentrer chez nous, nos maisons sont vides. C'est-à-dire, il faut qu'on vienne ici protéger nos maisons. Alors que quoi? Allah dit, in yuriduna illa firara. Al-firar. La fuite. Ils veulent prendre que la fuite. Donc, on voit, au moment des épreuves, ça y est, Allah Azza wa Jalla, il scandalise les personnes. Il te fait montrer, même à toi-même, quand tu as une grosse épreuve, tu crois que tu es masha'Allah, l'iman, sahibul iman, wal yaqin, wal tawakkul, wal... Masha'Allah. Quand tu as une épreuve, tu vois que tu commences à flancher et tout délaisser. Ça, c'est une rahma de la part d'Allah Azza wa Jalla, une miséricorde. C'est Allah Azza wa Jalla qui te quoi? Qui te rappelle. Il te rappelle et te revient. Reviens sur le sentier de la vérité, sur le haqq. Reviens avec le véridique. Regarde, tu pensais être sûr. Sûr de toi, mais tu as une petite épreuve, tu commences à délaisser la prière, tu commences à délaisser la lecture du Coran, tu commences à délaisser les assises de science, sous prétexte que quoi, ça va pas bien dans ma tête, je suis mal, j'ai des épreuves, etc., etc. Donc ça, à travers les épreuves, la personne, elle voit, elle en est où? Est-ce qu'elle est vraiment sincère? Ou est-ce qu'elle ment beaucoup? Ou est-ce qu'elle ment un peu? Ça ne concerne pas que les hypocrites, on a dit, c'est à différents degrés. Amma les hypocrites, ça c'est la grande hypocrisie, wal'iyadu billah. Quand il y a l'épreuve, khlas, ils montrent clairement qu'en fait, ils voulaient pas de l'islam. À l'intérieur, ils étaient contre l'islam. De façon extérieure, ils priaient, mais ils sont contre, ils veulent pas de l'islam. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont un intérêt d'être hypocrites? Rien. Donc là, à ce moment-là, ils montrent ouvertement, khlas. Celui-là, c'est un égaré, le suivez pas. C'est-à-dire, le prophète, Allah Azza wa Jalla vous a menti, prenez la fuite, venez avec nous. Khlas, Allah les a scandalisés. Donc, une des sagesses et un des bienfaits de l'épreuve, Allah Azza wa Jalla, il fait la distinction entre quoi? Les croyants et les hypocrites. Donc ça, et le prophète, il sait c'est qui les hypocrites. À ce moment-là, il sait, il voit les hypocrites, il voit les croyants, il voit les faibles, il voit les véridiques, khlas, at-tamyiz, la distinction entre toutes les catégories de personnes. Alhamdulillah qu'il y a des épreuves. On ne demande pas les épreuves. Walakin, quand les épreuves viennent, comme le prophète a dit, ici, tu dois patienter. Was-sabru wajib. La patience, c'est bien sûr obligatoire. Allah Azza wa Jalla continue à parler de ces différents groupes, et il dit, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْتَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Allah Azza wa Jalla, regarde comment il parle de eux. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils l'auraient accepté certes, et n'auraient guère tardé. Regardez les personnes qui parlent, blablabla, blablabla, blablabla, l'épreuve elle tombe, ensuite ils veulent tous prendre à la fuite, quand il y a des épreuves, masha'Allah, on est là, quand il y a une épreuve, tout le monde prend la fuite, et c'est pas des petites épreuves, comme les gens vivent au jour d'aujourd'hui, et moi le premier au jour d'aujourd'hui, c'est rien par rapport à eux, c'est rien du tout. Nous on a une petite épreuve, juste une petite chaouka qui nous touche, une fièvre, khlas, on oublie tout. Illa man rahim Allah. Eux, c'était des grosses, c'était le maut. Est-ce qu'il y a une plus grosse épreuve que le maut? Quelqu'un dit, j'ai pas peur de la mort. Moussa alayhi salam fait sahih. L'ange de la mort, malak al-maut, il est venu voir Moussa alayhi salam pour prendre son âme. Qu'est-ce qu'il a fait, Moussa? Il l'a giflé, il lui a crevé un œil. Il est parti voir Allah Azza wa Jalla. Hadith en sahih. Il a giflé Moussa alayhi salam, malak al-maut. Pourquoi? Al-khawf. Min ash. Min al-maut. La peur de la mort, comme ils disent les ulama. Moussa, un prophète, il a eu peur de la mort. Toi, tu vas pas avoir peur de la mort? Alors que le prophète Ali Sam, pendant As-Sakarat, pendant l'agonie de la mort, il disait, la ilaha illallah, inna lil maut ila sakarat. La mort a certes son agonie, le prophète souffrait. La meilleure des créatures, toi, tu n'as pas peur d'être dans ce moment-là, t'as pas peur, t'as pas la crainte de la mort. Tout le monde doit avoir peur de la mort. Et tout le monde doit être entre quoi? Al-Khawf wa Raja. La peur d'Allah Azza wa Jal, du châtiment d'Allah, et l'espérance qu'Allah Azza wa Jal lui couvre de sa quoi? De sa miséricorde, al-Rahma. الحمد لله الذي كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش كما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وكتب في كتابه وهو عنده فوق العرش لوانج الله qui a écrit dans son livre, dans un livre qui est auprès de lui où? وهو عنده فوق العرش, au-dessus du trône. Donc ça c'est une preuve, un dalil que Allah il est établi au-dessus du trône, فوق عرشه سبحانه وتعالى. Il a écrit quoi? Ma miséricorde dépasse ma colère. Ma miséricorde dépasse ma colère. Donc ici, on voit, ayol akhyar, que quand les gens, ils ont des épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il fait at-tamyiz, la distinction entre les véridiques et les menteurs. Allah azza wa jalla les rappelle que ces personnes-là qui parlaient jour et nuit, on est là, on est là. Quand il y a une épreuve, ils prennent la fuite. S'ils étaient avec toi, ya Muhammad. S'ils étaient avec toi. Et il y avait eu une percée. C'est-à-dire, les Al-Ahzab, ils seraient venus, les coalisés. Al-Mushrikoun, ils seraient rentrés. Et ils seraient tombés sur eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils rappellent au prophète, alayhi salatu wasalam, comme disent les ulama, rahimahumullah, il n'y a pas d'intérêt de les garder avec toi. S'ils étaient avec toi, la percée serait venue, ils seraient venus, ils auraient tous renié leur foi. Ces personnes-là, c'est des kadhab, c'est des menteurs. Parce que s'ils seraient restés pendant le combat, et Allah azzawajal aurait permis aux coalisés de rentrer, de vous affronter, ils auraient tous renié leur foi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدَبَرُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولَ. Alors que quoi? Avant, ils avaient pris quoi? Un engagement. Qu'ils ne tourneraient pas leur dos. Allah, il parle d'eux. Ils disent, pourtant, ils avaient pris l'engagement avec toi. Ils tourneront pas leur dos. Walakin, Allah, il rappelle et il dit, et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu devras rendre compte par rapport aux engagements que tu as fait à Al-Insan. D'accord? Mais ici, tu rends des comptes. Tu peux rendre des comptes. D'accord? Concernant les engagements que t'as donnés ou que t'as trahis envers ton frère, envers ta sœur, ici-bas, c'est possible, la personne est vers toi, j'ai des comptes à rendre, tu t'es engagé de me faire ça, oui, pourquoi tu ne m'as pas fait? Lakin, Allah Azza wa Jalla dit, وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا مَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Tandis que les comptes que tu as, les engagements que tu as pris envers Allah Azza wa Jalla, quand tu rendras ces comptes? Au jour de la résurrection. Amma, toi, envers l'insan, tu peux rendre tes comptes ici-bas. Mais envers Allah Azza wa Jalla, c'est autre chose. C'est tout engagement que tu as pris envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, c'est plus grave. Et plus important, comme il dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qu'un engagement que tu as pris envers ton frère ou ta sœur. Ça, il y a une différence énorme à Al-Akhyar. Bien que l'engagement que tu as pris envers ton frère et ta sœur, c'est quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam a dit ayatul munafiq thalath. Wa minhum zakara alayhi salatu wassalam wa idha atu min akhan. Quand on lui, par exemple, donne une amana, on lui confie quelque chose, il trahit. Wa idha wa'ada akhlaf. Quand il prend un engagement, il trahit son engagement ou sa promesse. Ça fait partie des quoi? Des critères des hypocrites. Mais quand tu prends un engagement envers Allah, sache que tu rendras des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal sur cet engagement. Au jour de la résurrection, tu devras rendre des comptes sur cet engagement et ça c'est une mise en garde claire. Claire de la part de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ici dans le fait ou quant au fait de trahir ici ses engagements. Allah Azza wa Jalla continue à parler d'eux. Il dit قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah Azza wa Jalla dit jamais la fuite. Il parle de qui encore? Les hypocrites. Il dit jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dit قل من ذا الذي يعصمكم من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم الرحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Allah Azza wa Jalla rappelle que ces personnes-là qui veulent prendre la fuite ou qui ne prendront pas la fuite, le destin il est déjà, ou qui ne prennent pas la fuite, le destin il est déjà écrit. Ils rendront des comptes auprès d'Allah Azza wa Jalla et personne ne peut les protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Allah il dit quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il vous veut accorder une miséricorde. Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Certes Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent à leurs frères venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ. Allah Azza wa Jalla connaît ceux qui détournent les gens. Ceux qui détournent les gens du sentier d'Allah Azza wa Jalla. Regardez ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla. Certes Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères. Donc on parle de qui là alors? Des croyants. On parle des croyants ou pas? Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla dit à leurs frères? Il y a les frères de religion, il y a les frères en Allah, il y a les frères en argent, il y a les frères en Mekla, il y a les frères en dunya, il y a les frères en intérêt, il y a les frères, il y a les frères, il y a les frères. Ça c'est le munafiqoun, ça c'est les hypocrites. Wa ma'a dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala avec cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit li ikhwanihim, à leurs frères, mais pas leurs frères en religion, leurs frères dans l'égarement. La preuve que tu peux dire c'est mon frère, mais ton frère en quoi? Ton frère en Allah, Azza wa Jalla, c'est mon frère en Allah. Ton frère en Allah. Donc si c'est ton frère en Allah, tu l'aimes en Allah. Je l'aime en Allah. C'est quoi le prix de l'amour en Allah, Azza wa Jalla? Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil sabr, kama qala shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala. C'est quoi? An-nasiha. C'est de faire quoi? Le concert en Allah, Azza wa Jalla. C'est que tu quoi? tu t'enjoignes mutuellement ou on s'enjoint mutuellement à quoi? À l'endurance et à la وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ et à la patience. C'est quoi s'enjoindre mutuellement? C'est se donner des conseils. Toi, tu conseilles ton frère et lui, il te conseille. بِإِخْلَاص avec sincérité. وَبِالْرِفْقُ وَبِالْلِينَ avec bienveillance, avec douceur. Ça, c'est le prix de l'amour en Allah Azza wa Jal. Amma si toi, ton frère te conseille jamais, toi tu ne le conseilles jamais, c'est pas ton frère en Allah. Il n'y a pas cet amour en Allah Azza wa Jal. C'est un amour en quoi? En l'hawa si tu veux, en shahawat, les plaisirs, les passions. Donc ça suffit pas de dire c'est mon frère, hada akhi. Mais c'est ton frère en quoi? En mec là parce que tu rigoles bien avec lui, t'aimes bien manger avec lui, tu t'amuses avec lui, je me sens bien avec lui. Ou c'est ton frère en Allah subhanahu wa ta'ala, car il te fait avancer dans la religion, et tu le fais avancer dans la religion. C'est ce qui nous importe. C'est pour ça que salaf, radiallahu anhu wa ardam, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il se séparait, il est rapporté qu'il disait quoi? Quand il se séparait, il discutait, et il disait, wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Il récitait sourate al-Asr pour se donner ce rappel et se rappeler de quoi? L'union en Allah, l'amour en Allah. كما قال جل وعلا يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة كما في صحيح مسلم يوم القيامة يقول جل وعلا أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. الله عز وجل jour de la résurrection dans صحيح مسلم il dit quoi? Allah, au jour de la résurrection, il dira, où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux, avec une traduction approximative. Al-yawm, udhillahum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la mienne. C'est qui? Ceux qui se sont aimés en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, sahaba, as-salaf, ils cherchaient cet amour. Ça suffit pas de dire, c'est mon frère. Peut-être c'est ton frère dans l'égarement. Cherche ton frère en Allah. Tu l'aimes en Allah, il te conseille. Tu acceptes les conseils? Et tu le conseilles, et lui l'accepte, et toi tu acceptes les conseils. C'est comme ça qu'on avance dans la religion. Allah, il a parlé des hypocrites, et il a rappelé ce critère, ici, qu'ils s'appellent frères entre eux. Mais ce sont des frères dans le mal. Ils disent à leurs frères, ou alors, venez, yani, on va se rebeller. Venez, on va obstruer le sentier d'Allah Azzawajal. Venez, on va faire du mal à la religion. Ça, c'est les frères en quoi? Les frères en dunya et les frères en mal, et c'était les critères des hypocrites, et Allah Azza wa Jalla rappelle ces versets coraniques dans Al-Qur'an Al-Karim. On n'a pas assez de temps pour terminer l'explication de ces versets coraniques concernant Sourate Al-Ahzab. On terminera Inch'Allah Ta'ala la semaine prochaine. Et par la suite, on continuera avec la deuxième bataille qui va suivre Ghazwatul Ahzab, Ghazwatul Khandaq, c'est-à-dire la bataille appelée les coalisés ou bien la bataille du fossé. Le fossé, idée donnée par Salman Al-Farisi rahmoullahu ta'ala. Après cette bataille-là, on est à l'an 5 de l'Hégire. 3000 hommes du côté des musulmans, 10 000 du côté des associateurs. Il y a eu une autre bataille. On verra la bataille la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khair.